qui nuque l'esquimau. C'est moi qui nuque l'esquimau. C'est moi qui nuque l'esquimau. J'ai un igloo super. J'ai un igloo super. Avec baignoire et lavabo. Avec baignoire et lavabo. Avec baignoire. Chez moi, l'eau n'est pas calcaire. Chez moi, l'eau n'est pas calcaire. Chez moi, l'eau n'est pas calcaire. Tous les jours à la chasse. Tous les jours à la chasse, je tue les phoques. Tous les jours à la chasse, je tue les phoques. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sinon mendre les breloques. Sinon mendre les breloques. Pas de voiture ni d'autobus. Pas besoin de courir. Pas besoin de courir. Mon chien n'a pas de puce. Mon chien n'a pas de puce. Trop froid pour en souffrir. Trop froid pour en souffrir. Trop froid. Tout seul sur la banquise, tout seul sur la banquise. Le soir dans mon igloo, le soir dans mon igloo, je rêve à une marquise, je rêve à une marquise qui me ferait des plats choux, qui me ferait des plats choux, qui me ferait des plats choux. C'est moi qui nuque l'esquimau, c'est moi qui nuque l'esquimau, c'est moi qui nuque l'esquimau. C'est moi qui nourris des listons mots comme ça. C'est moi qui nourris des listons mots fait plus beau. C'est moi qui nourris des listons mots qui fait plus beau. Et ça éloigne les cons. Et ça éloigne les cons. Et ça éloigne les cons. Qui nourris les skimos. Qui nourris les skimos. Qui nourris les skimos. Qui nourris les skimos. Qui nourris les skimos. Qui nourris les skimos. Qui nourris les skimos.